Alors, bienvenue encore une fois à l'étude de la parole de Dieu. Et si vous voulez bien, on va commencer par un mot de prière. Notre bon Père du ciel, tu es souverain sur toutes choses. Tu es Dieu et nous t'appartenons. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, encore une fois, tu nous parles. Tu renouvelles notre intelligence. Tu chasses le mensonge par ta vérité, par ta parole qui est toi, Seigneur. On ne peut différencier ta parole de toi-même, parce que ce que tu dis, ça vient de toi. Nous te remercions encore une fois de nous enseigner la vérité aujourd'hui. Ouvre nos cœurs afin que nous recevions avec joie ta parole. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'aurais deux questions au moins à vous poser. La première étant celle-ci. Si Dieu est amour, pourquoi ne sauve-t-il pas tout le monde? C'est une question peut-être qu'on vous a posée, vous aussi. Un non-croyant vous a posé cette question-là. Si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas tout le monde? Peut-être qu'on vous a posé également cette autre question. Pourquoi est-ce qu'un Dieu d'amour permettrait-il que la plupart des gens passent l'éternité en enfer et seulement que quelques-uns au ciel? Ce sont là certainement de bonnes questions qui mérite d'être répondu. Mais la vraie question qu'on devrait tous se poser, la voici. Sachant tout ce que Dieu sait sur nous, sur vous et sur moi, pourquoi devrait-il en sauver un seul? Pourquoi n'allons-nous pas tous en enfer? Voilà la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas tous en enfer, sachant tout ce que Dieu sait sur vous et sur moi? Pourquoi est-ce qu'il en sauve? Aujourd'hui, nous allons débuter une série sur une des doctrines les plus détestées de la Bible par les non-croyants et peut-être une des plus mal comprises aussi par les croyants, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu. Et plus précisément, aujourd'hui, nous allons commencer à parler de l'élection de Dieu. Alors, pourquoi parler de l'élection? Eh bien, parce que les Écritures en parlent. C'est une des vérités qui est enseignée dans les Écritures, l'élection. L'élection dit ceci, le salut, c'est l'œuvre de Dieu. L'élection déclare que Dieu a choisi qui il allait sauver. L'élection enseigne que Dieu a fait ce choix sans influence, sans aide de personne, avant la création du monde, avant la création de la terre, bien sûr, avant les êtres humains. Dieu a choisi qui il allait sauver avant la création du monde. Dieu, de sa propre volonté, a déterminé qu'il allait sauver certaines personnes qui constitueraient une humanité rachetée et qui passeraient l'éternité dans sa présence, qui l'adoreraient, le glorifieraient, l'honoreraient, lui et son Fils Jésus-Christ. Lorsque l'on comprend bien la doctrine de l'élection, c'est la doctrine la plus rassurante, la plus réconfortante et la plus merveilleuse qui soit. Et j'espère que c'est ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est ce que vous allez comprendre, c'est ce que vous allez être rassuré, réconforté et louer le Seigneur pour ça, pour l'élection. Mais lorsque l'on comprend mal l'élection, ça peut être repoussant, ça peut être choquant, et on peut même voir Dieu comme injuste. Ça peut sembler être une doctrine injuste lorsqu'on la comprend mal. Donc aujourd'hui, ou peut-être maintenant, mais aujourd'hui, vous allez être dans une des deux positions. Vous allez être réconforté et ou encouragé, ou vous allez trouver choquant ce qui va être dit, repoussant et peut-être même injuste. Mais je vous demande d'écouter jusqu'à la fin Et si vous n'avez pas très bien compris, réécoutez ce vidéo. Alors, si on comprenait ensemble, si on regardait quelques textes ensemble, notre texte de ce matin se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. On va regarder les deux premiers versets aujourd'hui de 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Vous pouvez, je vous invite à mettre sur pause la vidéo et tout simplement regarder dans vos bibles ou regarder sur l'écran. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, l'élection, comme je le disais précédemment, peut sembler choquante et injuste à certains égards. Alors, prenons quelques instants d'abord pour parler de la justice de l'homme et de la justice de l'être humain. De la justice de l'homme et de la justice de Dieu. L'homme, l'être non régénéré, le non-croyant finalement, rejette avec vigueur cette doctrine, cet enseignement sur l'élection. À cause de la chute, l'homme aimerait avoir une certaine responsabilité pour croire, même si elle est toute petite. Il veut désespérément avoir un crédit pour avoir fait le bon choix. La doctrine de l'élection repousse l'homme parce qu'elle est, à première vue, il semble injuste que Dieu, à sa propre discrétion, choisirait de sauver certaines personnes parmi toute l'humanité, mais pas les autres. Mais vous comprenez que la raison pour laquelle l'homme rejette cette doctrine, la raison pour laquelle l'homme veut désespérément avoir un rôle à jouer dans son propre salut, c'est pour qu'il puisse exercer sa fierté, son orgueil. Il veut pouvoir en tirer une gloire, sa propre gloire. Ainsi, c'est également une expression de sa nature pécheresse de penser comme ça, de parler comme ça, de désirer cela, de désirer vouloir se glorifier, d'avoir une petite part à jouer là-dedans. Et l'accusation qu'il porte, selon laquelle Dieu est injuste, c'est encore une fois une expression de sa nature déchue. Dieu ne peut jamais, jamais, jamais, jamais être mesuré par aucune norme ou aucun standard humain, et certainement pas par un standard de justice qui est entaché par la nature pécheresse perdue, corrompue de l'homme. En tant qu'homme et femme, nous n'avons pas un niveau de justice plus élevé que notre Créateur qui est saint, infini et éternel. Notre justice n'atteint pas le niveau de Dieu. Un Dieu parfait. Le psaume 87:2 nous dit « La justice et l'équité sont la base de son trône. » La justice et l'équité sont la base de son trône. Autrement dit, tout ce que Dieu fait est basé sur la justice, sur sa propre justice. C'est assis sur la justice. C'est juste tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu pense, tout ce que Dieu dit. C'est sa justice divine. Et il faut partir avec ça pour pouvoir comprendre les textes qui vont être lus tantôt. Dieu est juste en partant. Dans les célèbres paroles d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » En tant que créature déchue, l'être humain n'est pas en mesure de déterminer si ce que Dieu fait est juste, équitable et droit. Nous sortons de nos limites lorsque nous disons que Dieu fait quoi que ce soit qui soit injuste. Nous n'avons pas cette capacité d'analyser finalement ce qui est juste. Parce qu'il y a seulement Dieu qui est juste, parfaitement juste, qui fait tout à merveille, tout à perfection. La justice est un attribut essentiel de Dieu. La justice est une partie de son essence, de sa nature même. Dieu est infiniment juste et infiniment parfait. La seule véritable référence de justice qui existe, c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on comprend ça? La seule véritable référence de justice, c'est Dieu lui-même. Justice qui est infiniment plus élevée que celle des hommes. La source de la justice de Dieu, c'est sa propre volonté libre et rien d'autre. Ça sort de lui, ça vient de lui, ça émane de lui, la justice. Dieu est juste. Tout ce que Dieu veut, comprenez bien ça, tout ce que Dieu veut est juste. Et parce qu'il le veut, c'est juste. Et non pas parce que c'est juste qu'il le veut. Je répète, tout ce que Dieu veut est juste, et parce qu'il le veut, c'est juste. Et non pas parce que c'est juste qu'il le veut. La justice vient pas de l'extérieur, elle vient de lui. Donc tout ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il veut, c'est juste. Tel est le Dieu de la Bible, tel est notre Dieu. Mais si la justice aurait été la seule préoccupation de Dieu dans notre salut, on aurait tous été en enfer, parce que ça, c'était juste que nous allions en enfer. La justice réclamait le paiement du péché, la colère de Dieu, la rétribution. Si la justice aurait été la seule chose à laquelle Dieu aurait pensé, en ce qui concerne notre salut, sa seule préoccupation, nous serions tous en enfer, frères et sœurs. Le Créateur ne doit rien à la créature. Comprenons bien cela. Le Créateur ne doit rien à la créature. Même pas ce qu'il donne gratuitement et gracieusement aux élus. Le salut, c'est une question de pure grâce. Dieu te fait grâce lorsqu'il te sauve. Et notre rôle en tant que créature n'est pas d'essayer de déterminer ce qui est juste ou pas. Dieu l'a déjà déterminé et cela le rend juste. Dieu est la norme et le standard de la justice. Et si nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, le problème n'est pas qu'il n'a pas répondu à nos standards, mais plutôt que notre niveau n'est pas à la hauteur de ses standards. Je répète, si nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Le problème n'est pas qu'il n'a pas répondu à nos standards, mais plutôt que notre niveau n'est pas à la hauteur du standard de Dieu. Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Dieu est juste en partant. Donc, ceci étant dit, nous avons affirmé, les Écritures déclarent, affirment que Dieu est juste. Ceci étant dit que Dieu est juste, à qui est-ce que Pierre écrit ici dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 2? À qui est-ce que Pierre écrit? Pierre identifie ses lecteurs de deux façons, par rapport à leur position sur la terre et par rapport à leur position au ciel. Sur terre, ils résident, ils sont dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, sur terre, ils sont dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, ce qui est la Turquie d'aujourd'hui. Ceux à qui Pierre écrit étaient dispersés comme étrangers dans diverses provinces de l'Empire romain. On pense que la lettre a été écrite peu de temps avant ou peu de temps après que la ville de Rome eut brûlé pendant 6 jours et 7 nuits, autour de l'an 64. La ville a été détruite à 75% et il y a eu des milliers de morts à cette époque, à ce moment-là. Et le peuple pensait à ce moment que c'était l'empereur Néron qui avait fait brûler la ville afin d'en reconstruire une nouvelle. Parce que dans son règne, dans la ville, il arrivait à son apogée. Il arrivait à une stagnation ici-là. Et on pense que les gens pensaient que Dieu avait fait... oui, Dieu, mais Rome, l'empereur Néron avait fait brûler la ville afin d'en reconstruire une plus glorieuse, plus grande, une nouvelle, plus moderne. Alors Néron, pour éloigner ses accusations de lui, va accuser les chrétiens. Il va leur dire, c'est la secte des chrétiens qui a fait ça. Et ce qui va entraîner, bien entendu, une persécution contre l'Église, ce qui va disperser les chrétiens, ils vont quitter Rome, ils vont être dispersés dans les régions qu'on a mentionnées ici, le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont des provinces de l'Empire romain. Et Pierre leur écrit parce qu'il veut les encourager. Il veut encourager ceux qui sont dispersés. Toujours dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 12, on voit les motifs de Pierre ici. « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter, pour vous encourager, et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Je veux vous encourager et je veux vous certifier que ce que en quoi vous croyez, celui en qui vous croyez, la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché est la véritable. Ne regardez pas aux circonstances, frères et sœurs, c'est ce qu'il leur dit. Vous avez cru dans la bonne personne, vous avez cru en Dieu, c'est la vérité. Regardez à Dieu et non aux circonstances. » Il leur dit au verset 1, « Vous êtes des étrangers, première des choses. » Ce serait faire ça à des immigrants, à des résidents temporaires. 1 Pierre 1, 17, toujours. « Et si vous invoquez votre Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Donc, encore une fois, ça parle d'étrangers, ça parle de temporaires, ça parle de résidents. Immigrants, il dit, le temps de votre pèlerinage. Les gens à qui Pierre s'adresse ne sont pas étrangers autant dans une province, dans une culture étrangère, que étrangers sur la terre elle-même. C'est ce que Pierre veut leur dire. 1 Pierre chapitre 2, verset 11, pour mettre l'emphase encore. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Encore une fois, étrangers et voyageurs. Ça semble être des personnes qui sont dans un environnement qui leur est étranger. Ce que Pierre est en train de leur dire, il dit « Vous n'êtes pas juste des étrangers à l'échelle nationale, vous êtes des étrangers sur la terre. » Vous êtes étranger spirituellement à ce monde. Vous ne lui appartenez pas. Lorsque Pierre dit « Écris aux élus, aux choisis de Dieu », il faisait allusion aux croyants ici, bien entendu. Pierre écrit aux croyants. Les chrétiens sont vraiment des étrangers et des voyageurs sur la terre. Vous êtes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous n'appartenons pas ici. Notre demeure est ailleurs. Nous ne sommes pas à la maison ici. L'Église est un groupe d'étrangers dispersés dans le monde, loin de leur vraie demeure. Et un des points que Pierre veut faire comprendre à ses lecteurs, c'est que leur séjour sur la terre est temporaire, parce que là, ils subissent des persécutions. Puis il est en train de dire ça va être temporaire. Ce n'est que temporaire, tout ça. Également, les étrangers, l'Église, les sauvés, les croyants ont été choisis. Les lecteurs de Pierre étaient les appelés, les choisis, les élus ou les étrangers sélectionnés. Le terme « élu » est spécifique à ceux, bien sûr, que Dieu choisit, mais à son peuple. On voit ça dans l'Ancien Testament, où est-ce que dans Deutéronome 7, verset 6, il est écrit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc, on voit ici que Dieu choisit pour lui, pour lui-même. Il dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi. Pourquoi? Parce que tu étais fin? Parce que tu étais meilleur que les autres? Tu étais plus glorieuse que les autres? Tu étais plus saint que les autres? Non. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. L'Ancien Testament. Et tout comme Dieu, de son libre arbitre, a choisi Israël pour lui appartenir. Dans l'Ancien Testament, il a également fait ça dans le Nouveau Testament pour l'Église, pour vous et pour moi. Matthieu, qui sont les élus? Ce sont les croyants. Si vous êtes un croyant, vous êtes un élu de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 22 nous dit, « Et si ces jours n'étaient abrégés, » donc il parle de la grande tribulation ici, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, à cause des choisis, ces jours seront abrégés. » Voyez, le terme « élu » revient souvent dans la parole de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu, frères et sœurs. Quelle joie, quel bonheur, quel privilège, quelle grâce Dieu nous fait. Dieu nous a fait. Le terme élu, je le disais, c'est synonyme de chrétien, de sauvé, de né de nouveau. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Nous avons été choisis par Dieu pour être saints et bien-aimés. Dieu a décidé de mettre son amour sur vous et sur moi, non pour quelque chose que nous avons fait, mais strictement selon son propre choix. C'est ce qu'on appelle l'élection. Dieu choisit. Les élus de Dieu sont les privilégiés de Dieu, les graciés de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, verset 10, nous dit, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Je sers Dieu afin d'amener l'Évangile aux élus, nous dit Paul. Les choisis. » Tite 1.1 nous dit, « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. » Dieu a fait le choix, pas nous. Pierre et Paul disent que les chrétiens sont des gens qui sont choisis par Dieu. Les chrétiens sont une race choisie pour le salut de Dieu. Jean 15.16, c'est les paroles de Jésus, c'est Jésus qui parle. Il nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui vous avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, nous dit Jésus. » Donc, nous ne choisissons pas Jésus. C'est lui qui nous choisit. Ça amène l'humilité, ça. Hein? Dieu me choisit et non moi qui le choisis. C'est la bonne expression biblique. C'est Dieu qui me choisit. Mais allons un peu plus loin ici dans l'élection. Je disais au début, l'élection peut paraître choquante, peut paraître repoussante, peut paraître injuste lorsqu'on la comprend mal. Et c'est le texte que je vais vous emmener souvent qui est mal compris. Non seulement le texte, mais en lisant le texte, des fois, on oublie ce qu'on a dit au début. On a dit quoi? Dieu est juste. Donc, je pars avec cet attribut de Dieu-là. Dieu est juste. Et j'analyse les circonstances avec cette justice de Dieu, et non analyser les circonstances pour déclarer si Dieu est juste ou pas. N'est-ce pas? Je dis que c'est là que ça se corse. Non du point de vue de Dieu, mais notre compréhension de ces textes-là. Donc, on parle de l'élection ici. Romains chapitre 9, verset 13 nous dit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haït Ésaü. Dieu déclare ça. Dieu déclare, fait cette déclaration à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, mais la première fois où il fait cette déclaration, c'est avant que Jacob et Ésaü soient venus au monde, avant qu'ils aient été conçus. Dieu va faire cette déclaration. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai repoussé Ésaü. Et ce n'est pas de l'injustice. Rappelez-vous, c'est la grâce de Dieu. Dieu, si tu es un croyant, Dieu t'a choisi. Et c'est là que tu devras, est-ce que c'est juste que Dieu m'ait choisi? Absolument pas. C'est gracieux. C'est la grâce de Dieu. Parce que la justice, c'est qu'on périsse tous, parce qu'on a offensé ce Dieu saint-là. Rappelle-toi, rappelez-vous, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, Romains 9, 13, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et le verset 14 et les suivants, on va les lire. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Et c'est la suite logique. Hein? Ben voyons donc, c'est-tu injuste, ça? Et Paul est conscient que les gens peuvent être amenés, vous et moi, à penser ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Loin de là. Non, non, non, nous dit le grec. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Dieu dit, « Je fais miséricorde à qui je veux, et j'ai compassion de qui je veux. » Comment ça? Parce que je suis Dieu. C'est le droit de Dieu d'agir ainsi. Et ça ne le rend pas injuste, parce qu'il n'agit pas avec les mêmes motifs que l'être humain. Il agit en toute sainteté, en toute perfection, en toute justice. Verset 16. « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mon salut, mon élection ne dépend pas de moi, mais ça dépend de Dieu qui m'a fait miséricorde. Gloire à toi, Seigneur. » Verset 17 nous dit, « Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Là, il donne l'exemple. Il parle de Jacob et Ésaïe, « J'en ai choisi un, j'ai repoussé l'autre avant même qu'ils viennent au monde. » Il dit, « Il n'y a pas d'injustice dans Dieu. Je fais miséricorde à qui je veux, et je fais compassion à qui je veux. » Et là, il va citer l'exemple de Pharaon où lorsqu'on lit l'Écriture, on voit qu'à plusieurs reprises, Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Et là, il dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein. Pourquoi? » Pourquoi? « Pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié sur toute la terre. » Dieu a élevé, a endurci, a créé jusque, j'irai jusque-là. Pourquoi? Pour montrer en toi ma puissance. Dieu voulait exposer sa puissance par les displays. Il lui fallait Pharaon. Afin que quoi? Afin que mon nom soit publié par toute la terre. Dieu est un Dieu glorieux, frères et sœurs. Et tout ce qu'il fait dans le monde entier, dans ta vie et dans la mienne, c'est pour glorifier son nom. C'est pour se révéler. N'oubliez jamais ça. Dieu permet des choses dans votre vie. Il arrive des choses dans votre vie. Dieu est au contrôle. Dieu t'a choisi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se révéler dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta vie et dans la vie des autres autour de toi. Verset 18, il dit, « Ainsi, il, c'est Dieu, fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Tu me diras, « Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? » Donc, il dit, ben, « Pourquoi est-ce qu'il me blâme si je crois, si je ne crois pas? » Il dit, « Qui peut résister à sa volonté? » Parce que là, on vient de dire au verset 18, « Ainsi Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Le verset 20 nous dit, c'est Paul qui argumente et dit « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? » Toute une question. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et là, il va nous humilier, il va nous revêtir, il veut qu'on se revêtisse d'humilité. Il dit, il y a le potier, il y a le créateur, il y a le vase d'argile, il y a la créature. Autant le potier, c'est ce qu'il va emmener ici, autant le potier a le droit de faire ce qu'il veut avec cette masse d'argile, autant le créateur a le droit de faire ce qu'il veut avec sa créature. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil, est-ce que le potier n'a pas le droit de faire ce qu'il veut avec l'argile? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas le droit de faire ce qu'il veut avec sa créature? Et que dire, verset 22, si Dieu, regardez bien ça, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Je relis là ici. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère? Exposer sa colère et faire connaître sa puissance, révéler sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés, le potier ici, formés pour la perdition. Dieu a autant le droit, c'est ce qui va nous amener ici, Dieu a autant le droit d'exposer au monde entier, à son Église, aux anges, sa colère, sa puissance, que sa grâce infinie, sa compassion, son amour, sa justice. Dieu a autant le droit d'exposer un comme l'autre. Et Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se révéler au monde entier. Il nous dit, Dieu voulant montrer sa colère, et faire connaître sa puissance, c'est son but, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Je ne peux pas en aller, je peux pas aller à autre conclusion ici, là. Ils ont été formés pour la perdition. Et verset 23, heureusement qu'il y a le verset 23, et s'il a voulu faire connaître, encore une fois, révéler, exposer, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Il nous dit former des vases pour la perdition, les vases d'usage vil, pour exposer sa puissance et sa colère. Et en même temps, il nous dit ici, qu'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Il nous dit quoi? Qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Et le verset 24 nous dit, « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Est-ce que c'est un passage qui vous donne de la difficulté, ça, frères et sœurs? Avez-vous de la difficulté? Êtes-vous mal à l'aise face à ce passage-là? Peut-être que le mot « injustice » vous a envahi le cœur. Intolérance, vous avez de la difficulté, vous ne comprenez pas bien. C'est possible. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce verset-là, qu'en un simple message, on ne peut pas tout à fait bien comprendre, on ne peut pas bien expliquer. Mais rappelez-vous ceci. Rappelez-vous ceci, si nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, le problème n'est pas qu'il n'a pas répondu à nos standards ou qu'il n'est pas juste, mais plutôt que notre niveau n'est pas à la hauteur de son standard. Notre compréhension n'est pas à la hauteur de son standard. Comprenez que Dieu reste juste, même si je ne comprends pas. Il faut partir avec ça. Seigneur, je ne comprends pas tout ce texte-là, je ne comprends pas cet autre texte-là, mais je sais une chose, ça n'affecte pas ton amour, ça n'affecte pas ta justice, ça n'affecte pas ta sainteté. C'est moi qui ne comprends pas. Alors, je te demande de m'aider à bien comprendre. Je te demande de m'aider à accepter ces textes-là. Pour vous, ce qui est important aujourd'hui, et ce qui était important pour eux au moment où est-ce que Pierre leur écrit, si vous êtes des croyants, vous êtes des vases de miséricorde. Je suis un vase de miséricorde. Vous êtes les élus de Dieu, Pierre leur écrit-il. Mais quand est-ce que Dieu nous a choisis? On a vu un peu les textes ici, il y en a d'autres qui nous disent quand Dieu nous a choisis. Dans Éphésiens, chapitre 3 jusqu'à 5, ça nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Voilà la raison. Pour le bon plaisir de sa volonté. Autrement dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés, il nous a destinés d'avance à être dans son amour ses enfants d'adoption, gloire à lui. Il nous dit pourquoi? Selon le bon plaisir de sa volonté. Il ne nous dit pas, il nous a choisi d'avance, il nous a prédestinés parce que dans le fin fond, là, j'étais une bonne personne. Il a vu une petite graine dans mon cœur qui méritait d'être sauvée. Non. Il a vu que j'allais faire des efforts. Non. Il a vu que non. Selon le bon plaisir de sa volonté. Pour lui-même, par lui-même. Il y a d'autres textes, si vous vous rappelez, qui nous dit « Tout a été créé par lui et pour lui. » Jésus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, toujours dans « Quand est-ce que Dieu nous a choisis? » « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Il nous a choisis dès le commencement du monde, le commencement de quoi que ce soit, de la création. Tantôt, on a vu avant la fondation du monde, là, il nous dit dès le commencement, donc c'est loin ça. C'est avant que nous soyons au monde, avant que nous existions, avant que nous ayons fait le bien ou le mal, avant que nous ayons choisi ou reçu, je devrais dire. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8 à 9. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Voyez, Dieu nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, c'est clair là, mais selon son propre dessein, selon ce qu'il a décidé, ce qu'il a choisi, ce qu'il a résolu depuis toute éternité, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, quand ça? Avant les temps éternels. Là, on remonte très loin avant l'éternité. C'est dans l'éternité, depuis toujours. Depuis toujours, avant les temps éternels, mon nom était écrit dans le livre de la vie. Je n'avais rien fait. Je n'étais pas là. Quel privilège nous avons d'être appelés enfants de Dieu, d'être appelés des vases de miséricorde, d'avoir été choisis, non parce qu'on a fait quoi que ce soit, mais selon sa grâce, selon son propre dessein. Aucun homme, pensez-y, aucun groupe d'hommes n'aurait pu être à l'origine de telle doctrine, parce qu'elle est humiliante pour l'homme. Il ne peut pas se glorifier en quoi que ce soit, les textes sont tellement clairs. La nature de l'élection, c'est que Dieu, par sa volonté divine, pour sa gloire, pour lui, sélectionne certaines personnes pour le salut. On n'oublie pas. On ne mérite pas ça. Il n'y a personne qui mérite d'être sauvé. Il n'y a personne qui mérite le salut. Tous sont pervertis, tous sont corrompus. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Mais Dieu, dans sa grâce, va en choisir quelques-uns. Dans sa grâce. Actes, chapitre 13, verset 48. Donc, les païens se réjouissaient en entendant cela, en entendant l'Évangile, en entendant que Dieu va se tourner vers les païens, puisque les Juifs ne veulent pas croire. Les païens se réjouissaient en entendant cela, l'Évangile, et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Pourquoi j'ai cru? J'étais destiné à la vie éternelle. J'avais été élu. C'était mon destin. Dieu avait choisi d'avance. Dieu avait écrit mon nom d'avance avant même que j'existais. J'existais. Conclusion, on va terminer pour ce message ici aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de matériel que vous avez à assimiler. Vous pouvez, comme je l'ai dit, réconforter, encourager, émerveillé devant la grandeur de Dieu, ou être choqué si vous n'avez pas bien compris, trouver que c'est injuste ou tout simplement que ce n'est pas vrai. Je vous demande d'amener ça devant le Seigneur, de relire les textes. En terminant, en nous révélant la doctrine de l'élection, Dieu nous enseigne qu'il est en contrôle depuis toute éternité. En nous révélant la doctrine de l'élection, Dieu nous montre que finalement, nous ne sommes en contrôle de rien, de tellement peu de choses. En nous révélant la doctrine de l'élection, Dieu nous démontre la richesse de sa grâce. Dieu se révèle, révèle sa puissance, révèle sa grâce à nous, sa gloire, et à quel point nous ne sommes absolument pour rien dans notre salut. En nous révélant la doctrine de l'élection, Dieu nous dit « Je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre. Je ne permettrai pas que vous puissiez vous glorifier dans votre salut. J'ai tout accompli, j'ai tout fait, j'ai tout dessiné, j'ai tout prévu de A à Z. L'élection, le salut, la sanctification, la glorification, tout est question de Dieu. Tout est à lui la gloire. » Donc, Pierre, lorsqu'il écrit à ses lecteurs, aux gens qui sont persécutés, qui sont étrangers sur la terre, qui sont là temporaires, dans le temps de leur pèlerinage, Pierre veut encourager les croyants qui souffrent pour le nom de Jésus. Pierre, qu'est-ce qu'il leur fait? Il dit « Lâchez pas, hein? Après le plus beau temps, un perdu 10 de trouvé, ça va aller mieux demain. » Il y en a des pires que vous autres? Non, c'est pas de ça qu'il leur dit. Il ne leur pointe pas dans leur direction. Il leur dit quoi? Regardez à Dieu. Regardez à Dieu, frères et sœurs. Ne perdez pas de vue le but. Celui qui nous a créés, celui qui nous a élus, celui qui est au contrôle de tout, depuis toute éternité. Il leur pointe dans une direction. Il leur dit, vous êtes les élus. Dieu est souverain, frères et sœurs, dans votre vie. Dieu est au contrôle de votre vie. En résumé, ce que Pierre leur dit, il leur dit, vous n'êtes peut-être pas le choix du monde, mais vous êtes celui de Dieu. Vous êtes les élus de Dieu, frères et sœurs. Il leur écrit, peut-être que le monde vous rejette, mais pas Dieu. Il vous a élus. Son message était destiné à être un encouragement pour les croyants persécutés qui se demandaient « Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu justement est au contrôle? Est-ce qu'on a cru la bonne chose? Est-ce que... ils se demandaient peut-être, est-ce peut-être qu'on devrait changer? Peut-être qu'on devrait abandonner? » Puis on se pose la question « Ben voyons, comment est-ce que des chrétiens pourraient arriver à un tel choix? Une telle pensée? » Je crois qu'on n'a pas été mis encore dans leurs souliers, leurs sandales. Ils étaient persécutés tellement, il y avait tellement une pression dans leur vie. Ils étaient éparpillés, dispersés. Il y avait tellement de pression dans leur vie qui en arrivait à ce point-là, dans leur vie, disaient « Oups, qu'est-ce qui se passe? » Peut-être qu'ils avaient perdu de vue le Seigneur. Et ils se voyaient dans la chair, là, ils avaient peur, ils étaient craintifs, et ils avaient tout abandonné. Ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient manger demain, je ne sais pas. Et Pierre leur pointe vers Dieu. Pour les rassurer, il leur parle de Dieu. Il veut leur donner une motivation afin de les aider à persévérer et afin qu'ils puissent dire « Je suis prêt à faire n'importe quoi. Je suis prêt à perdre n'importe quoi, mais je vais continuer à suivre le Seigneur Jésus. » Jésus « all the way », comme on dit en anglais, jusqu'au bout. Pour Dieu, je vais aller. Pour Dieu, j'irai. Pour Dieu, je vais persévérer. À cause de Jésus, à cause de ce qu'il a fait dans ma vie, à cause de qui il est. Je vous laisse avec deux textes, avec un texte en deux traductions. Éphésiens chapitre 1, verset 11. « En lui, Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Donc, encore une fois, il dit, en Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers. Nous avons été quoi? Prédestinés, encore ce mot-là. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Donc, Dieu a résolu de nous prédestiner, de nous choisir, de nous élire. Donc, on est devenu héritier. D'après le conseil de sa propre volonté, il n'y a personne qui l'a conseillé, ça vient de lui. Donc pourquoi est-ce que Dieu nous choisit? Pourquoi est-ce que Dieu nous a élus? Afin que nous servions à la louange de sa gloire, pour le glorifier encore une fois. Dieu nous sauve pour lui. Dieu nous sauve pour le glorifier. Une version différente nous dit, « Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous avait été promise. Car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ. » Donc, dans les semaines qui vont venir, nous allons poursuivre sur le thème de la souveraineté de Dieu. Et j'espère que ça va avoir cet effet à long terme dans votre vie, que ça va être réconfortant, que ça va être encourageant, que ça va être une doctrine merveilleuse dans votre vie qui va vous suivre justement toute votre vie. Où est-ce que vous allez être rassuré? Où est-ce que vous allez louer Dieu qui va vous amener à la louange de sa gloire? On va terminer en priant. Mon Père du ciel, nous réalisons à quel merveilleux Sauveur que tu es, quel grand Dieu glorieux tu es. Nous réalisons, Seigneur, quel privilège nous avons d'avoir été élus et choisis, premièrement par toi et pour toi, pour te glorifier, pour que tu puisses te révéler au monde, révéler ta puissance, ta gloire, ta majesté, ta miséricorde et ta compassion, ton amour, ta justice. Seigneur, je ne prétends pas et nous ne prétendons pas tout comprendre de ta parole. Mais nous te voyons glorieux. Nous savons que tu es juste en toutes choses. Et je prie, Seigneur, que si certaines personnes qui écoutent cette vidéo n'ont pas compris encore, se posent des questions, s'interrogent face à certains textes, je prie que par ton esprit, tu les conduises, tu les enseignes, tu les diriges. Tu es le Créateur du monde. Et ta parole nous dit que tu nous as choisis, non à cause de nos œuvres, mais à cause de toi, selon ta grande miséricorde, selon le conseil de ta propre volonté. Tu as créé depuis le commencement, Seigneur, des vases de miséricorde et des vases de colère. Et ce qu'on veut te dire aujourd'hui, c'est merci Seigneur, merci de avoir fait de nous des vases de miséricorde. Parce qu'on ne mérite rien, on réalise ça Seigneur, on ne mérite rien. On méritait l'enfer, on méritait la destruction Seigneur. Et c'est une grâce que tu nous as fait parce que tu es un Dieu gracieux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Amen.